Crac, ça va quoi? Mais c'est le cas, ça va ou quoi? Tranquille. Ça dit rien, voilà la routine, comme d'hab. Ça raconte quoi? Le rap, ça va? Ouais, ça va, ça touche à ADN, tranquille. Ça t'a fait le texte? Ouais, ça t'a fait le texte. Faut la forme, surtout. Ouais, 2012, faut accélérer, voilà. Tranquille, tu connais. Et je voulais te poser une question, c'était comment le rap en 2005? 2005? Ouais. Putain, le rap en 2005. Franchement, le rap en 2005, c'était bien. On s'en sortait, tout le monde faisait ses trucs, on faisait des concerts, on arrivait dans les studios. C'était pas mal, hein? T'avais quel âge en 2005, toi? J'avais 10 piges facile. 10 piges, ouais. Ça me rajeunit pas. Pourquoi tu me poses cette question en fait? Non, c'était pour voir. Ah ouais, ok. Bah écoute, mon pote, hein, je suis pas Marty McFly, hein, j'ai pas de l'oreille volante, hein, malheureusement. Quoique. Attends, bouge pas la famille, je crois que je vais peut-être arranger ça. Bouge pas, reste. Hein.